Salut tout le monde et bienvenue dans ce podcast des rôlistes de la cave, le dernier podcast avant les vacances, le dernier de l'année, un podcast exceptionnel avec, à ma droite, l'exceptionnel, le magique, Tom. Bah bonjour, je suis content d'être là dans ton repère pour une fois. Dans la cave. Ouais, enfin la fameuse cave dont tu m'as tant parlé et que j'ai écouté dans le dernier podcast. Ouais. Et à ma gauche... Personne, pour des raisons pratiques, enfin logistiques, où on n'a pas réussi à avoir un autre intervenant pour le podcast. Je suis pas sûr que ce soit très gênant en même temps, vu le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Juste un mot sur les rôlistes dans la cave. Donc, vous pouvez trouver nos podcasts sur le site http://deslistesdanslacave.fr, tout attaché. Voilà, les podcasts sont diffusés tous les derniers dimanches du mois. Pour l'instant, ils parlent principalement de sens, mais parleront bientôt d'autres sujets, probablement. Déjà, rien qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'on va un peu bifurquer par rapport au jeu de rôle. Je parlais aussi des vacances du podcast. Donc oui, c'est le dernier dimanche du mois, donc celui du 30 novembre aujourd'hui. Est le dernier de l'année. Décembre sera et janvier seront nos deux mois de vacances de l'année. Donc je ne sais pas quel jour ce sera, mais ce sera le dernier dimanche de février qu'on se retrouve. Voilà. Tu balances le thème du podcast. Ouais. Alors déjà, spoiler alerte maximum. On va spoiler dans tous les sens et pas forcément dans l'ordre chronologique. Ça va être très... spoilant sur les deux thèmes que nous allons aborder, parce que les deux thèmes d'aujourd'hui sont Sens et Final Fantasy X, sorti sur PlayStation 2 au début des années 2000, vers là. Je sais plus. J'étais trop jeune, je m'en souviens pas. Mais il commence à dater, c'est vrai que... Ah bah maintenant, ouais, il commence à être un peu vieux. Mais bon, il y a des trucs à dire dessus. Et, ouais, on fera beaucoup de rappels de l'histoire de Final Fantasy X, parce que bon, sens c'est actuel, mais tout le monde connaît pas Final Fantasy X. Pourtant, il y en a qui devraient, hein, parce que c'est quand même un bon jeu. C'est vrai. Alors, Final Fantasy X, on peut vaguement raconter le début de l'histoire, au moins pour situer, puis on développera après. Ouais. C'est l'histoire de Tidus, qui est un joueur de Blitzball. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un sport un peu particulier, tu nous expliques vite fait. C'est une espèce de water polo, on va dire, mais sous l'eau. Ce serait le plus simple. Dans des grandes sphères d'eau. Des grandes sphères d'eau, genre dans un grand aquarium. Ils jouent avec un ballon et ils se font deux équipes de 5 avec un but à chaque bout. Et l'objectif, c'est de marquer le plus de buts. Donc, ils se font les passes à la main, ils tirent au pied ou à la main, ils font des tacles. Ça reste. Donc, dans un stade qui est très moderne, voire futuriste. Ouais, parce que c'est des machines qui fabriquent la sphère d'eau. Avec de gigantesques jets d'eau qui remplissent le truc, et c'est vraiment des stades, tu sais, un stade qui épouse la forme de la sphère, en fait. C'est des stades sphériques, avec sur plusieurs étages des tribunes, des milliers de supporters. Rien que dans la première scène, tu le vois qu'il y a des milliers de supporters, quoi, de toute façon. C'est vrai. Alors, du coup, pendant le premier match qu'on voit dans l'intro, la ville est attaquée par un monstre gigantesque. Qui s'appelle Sin. Voilà. Et qui envoie des boules de feu, qui détruit tout. Un truc énorme qui arrive de la mer et ça interrompt le match du coup. Le stade finit en miettes. Et, Un ami de Tidus, Auron, qui était déjà un ami de son père avant lui, l'emmène à l'heure en lui disant il faut qu'on se barre de là. Mais ils n'y arrivent pas vraiment et Tidus s'évanouit, il me semble. Bah en fait, ils se retrouvent, dans leur fuite, ils se retrouvent face à Sin au final. Au bout de la route, il y a Sin. Et Auron lui dit t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Et Tidus se fait plus ou moins absorber par Sin. Et il se retrouve dans les vapes. Et il se réveille dans des ruines. A priori, ça a pas l'air d'être les ruines de la ville où il habite qui s'appelle Zanarkand. Et du coup, il cherche plus ou moins de l'aide pour savoir où il est. D'accord. C'est plus ou moins le début. C'est un personnage qui se retrouve dans un monde qu'il ne connaît pas. Pour aller vite maintenant, donc... Pour aller vite, on lui dit que la ville où il habitait a été détruite. Il y a 10 000 ans, je crois. Voilà, c'est 10 000 ans. Il me semble que c'est ça, Et que, du coup, lui, il est en train de s'imaginer que, il a fait un voyage temporel, quoi. Il se disait, moi, je peux rentrer chez moi, et en fait, ça va être compliqué de revenir à une ville qui est détruite d'il y a 10 000 ans. Et là, on lui dit, est-ce que tu pourrais m'amener quand même ? Est-ce qu'il y a un moyen de rencontrer des gens ou d'y aller ou de... Il veut y retourner. Il cherche à s'en sortir. C'est comme ça, ça qu'il finit par rencontrer tout le monde des invoqueurs. Parce qu'en fait, quand il rencontre Riku, qui lui raconte pour la ville de Zanarkon, le bateau sur lequel il est se fait rattaquer par Sin. Et lui, il tombe du bateau et il se retrouve échoué sur une autre plage, qui est la plage de l'île de Beysed, et où il rencontre Waka, qui habite au village de Bessède, et au village de Bessède, tu rencontres les premiers persos. On peut peut-être aller un peu plus vite. Ouais, tu rencontres les premiers persos, l'invoqueuse. Voilà, parce qu'en fait, tout est lié au délire des invoqueurs qui font des pèlerinages dans des temples. Ouais, pour récupérer toutes les chimères et au final acquérir assez d'expérience pour pouvoir maîtriser l'ultime invocation, l'ultime chimère qui est le seul moyen de détruire Sin. Voilà, donc ça, c'est le pitch de base du jeu. Hein, Donc du coup, Tidus se retrouve dans cette équipe à devoir... Alors toi, Tom, du coup, maintenant qu'on a un peu situé la base, ouais, t'as plein de choses à nous dire. Bah déjà, moi, j'ai envie de commencer par la Zanarkand, quoi. La Zanarkand de Tidus. Parce que déjà, là, ça me fait appel... Alors ça y est, on va commencer à spoiler à tour de bras, là, c'est fini. Hein. Ceux qui veulent faire Final Fantasy X ou sans être spoilé, maintenant, vous pouvez arrêter. Ouais, parce que du coup, sur la Zanarkand de Tidus, d'entrée, lui, il pense... qu'il est peut-être dans le futur. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, à un moment, quand on arrive au Mont Gagazet, il va se rendre compte qu'il n'est pas, il ne vient pas du futur, mais d'un rêve. Il vient d'un autre monde, ontologie presque. Oui. Un rêve, tu dis ? Oui, parce qu'en fait, les priants, ceux qui permettent d'avoir les chimères, se sont, à la suite de l'arrivée de Sin, se sont plus ou moins réunis pour s'endormir et faire un rêve commun où la Zanarkand de l'époque est préservée. D'accord. En fait, c'est un rêve de la Zanarkand qui existait avant que Sin arrive. Donc une ville pleine de technologies, puisqu'en fait, le trip de Sin, c'est qu'il serait là pour les méfaits qu'a commis Spira. Oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Sin, le péché, quoi. Ouais. C'est la némésis, la vengeance venue du ciel, quoi. Ouais. Et il est là et il a détruit en fait tout ce qui est machine. Donc on est vraiment à une époque beaucoup plus primaire, c'est beaucoup plus rudimentaire. Oui, c'est vrai, oui, on a oublié de situer ça, mais Tidus, le monde dans lequel il arrive est un monde médiéval, quoi, grosso modo. Oui, voilà, Spira, il n'y a plus de machines, à part les machines qui sont utiles pour la collectivité. Donc plus d'armes à feu. C'est pour ça qu'il y a des problèmes avec d'autres tribus qui en utilisent, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est un monde vraiment... on a régressé. Sur 10 000 ans, on a vraiment régressé. Technologiquement parlant, ouais, bien sûr. Alors déjà, ce que tu dis sur les priants qui s'endorment pour essayer de préserver Spira, moi, ça me fait penser, alors je sais pas, hein, on pourrait voir imaginer un équivalent dans Sens Néant. Mmh. On pourrait très bien imaginer que certains Sétantra ou certains Myriadiens pourrait vouloir préserver Myriad se mettant dans une grande harmonie de l'ombre commune. Bah tu vois, j'adore cette idée. maintenant que j'y pense, ça peut faire un très bon scénar secondaire ou optionnel pour Sens Néant. J'avais pas pensé à ça, et c'est vrai que l'harmonie de l'ombre, ils font tellement de choses avec que ça pourrait amener à ça, quoi. Puisque vu qu'ils arrivent bien à recréer des Sétantra ou à partir de souvenirs, limite recréer une Myriad, quoi. C'est vrai que ça fait partie de l'ordre des possibles. Pour être des intégristes de l'école de l'ombre. Enfin bon. Moi, par contre, ça me fait plus penser à l'ombre monde, du coup, cette Zanarkand. L'ombre monde ? Ouais, parce que du coup, c'est. Mais qui nous dit que l'ombre monde n'est pas qu'un rêve ? Ouais, ça, je sais pas. Je suis pas encore assez loin, je pense. Même après 3 bouquins. Ouais, non, mais. Mais je dis ça, mais moi non plus. Hein, franchement, j'en sais rien. Non, mais par rapport à l'ombre monde, c'est en fait dans la démarche de Tidus à chaque fois, on sait pas trop comment est le monde en fait autour de sa Zanarkand à lui. On sait que son père a disparu en mer, donc on peut supposer qu'il y a d'autres continents et d'autres villages aux alentours. Donc on peut vraiment considérer qu'il y a un monde entier. Il y a peut-être pas que Zanarkand. Parce que c'est pas dit expressément qu'il y a que Zanarkand. D'accord. Puisque s'il y a des bateaux pour aller à la pêche et tout ça, j'imagine qu'il doit y avoir de quoi faire un commerce. Donc Déjà, lui, dans sa démarche, c'est il est dans essayer de voir ce qui pourrait être semblable à ce qui pourrait. Il cherche un petit espoir que non, il n'est pas 10 000 ans dans le passé, quoi. Ou non, 10 000 ans dans le futur, plutôt. Et en fait, quand on lui apprend qu'il est issu d'un rêve, bah, tu te dis, ouais, la zone. Du coup, lui, c'est un rêve aussi, lui. Il fait partie d'un rêve. Et du coup, ça t'amène sur des problématiques qui sont propres à l'ombre-monde. Ah bah là, déjà, on parle d'un bonhomme qui passe d'un rêve à la réalité. Mmh. Bah, du coup... C'est la pierre du désespoir absolu dans Néant. Et c'est aussi la Philonite. Oui, mais c'est la Philonite. Et plus loin que ça, en plus. Puisque du coup, quand dans FF10, ce qui lui permet de passer d'un monde à l'autre, et c'est ce que lui explique Auron plus tard, c'est Sin. C'est une espèce de portail... Un vaisseau, peut-être, entre les deux réalités. Et dans Sens, il y a cette problématique, un peu, nous, qu'on s'est posé en tant que joueur. Rafi, par exemple, lui, il pense que les runes de Dieu, les ordinateurs, là, sont une espèce de portail qui permet de relier l'ombre-monde et la réalité. Donc, t'as déjà des problématiques qui sont... pas si éloigné que ça, tu vois, par rapport à ces deux réalités. Mmh. Et en plus... Alors là, tel que tu me le décris, Sin pourrait être une espèce de Philonite à lui tout seul. Non mais attends, pour ça, il y a encore plus loin. Quand t'avances après dans l'histoire, t'apprends que Sin n'est pas vraiment le vrai méchant, ce n'est qu'une carapace qui enferme Yu-Yeven. Qui est le vrai méchant, qui passe dans les deux mondes comme il veut grâce à sa grosse carapace. Voilà. Oh bah tiens. C'est bizarre ça. Ouais, non mais du coup, Sin est une carapace pour Yu-Yeven et c'est bizarrement la Philonite, ouais. Carapace de Kadria, ouais. Qui s'appelle Carapace pour le coup. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, t'as... Tidus, il se pose un peu les mêmes questions que peut se poser un Kadria. Parce qu'une fois qu'il apprend ça, les priants lui disent « On veut que t'extermines Sin parce qu'on en a marre de rêver. On veut... voilà. » Donc lui, il sait que sa mission, c'est d'aller exterminer Sin. Mais il sait pas ce qui va se passer une fois que les priants se réveilleront. Oui. Il sait pas s'il va... Alors, moi, j'étais un peu jeune quand j'ai fait le jeu. Mais... Ah oui, parce que, bon, tant qu'à spoiler, hein, on y va, hein, mais la fin de l'histoire, c'est quand les priants cessent de rêver, Tidus disparaît. Bah oui, après, avec un pote, il m'a dit qu'il y avait plusieurs fins possibles en fonction de comment, si tu finis le jeu à 100%, si tu le finis pas à 100%. Ça, c'est peut-être dans la nouvelle version, mais à l'époque, on en avait qu'une. Mais du coup, ouais, il disparaît, il disparaît, il s'évapore. Et peut-être que ton pote parlait de Final Fantasy 10-2. Il y a aussi revenir dans le 10-2 selon les fins. Ouais, il y a des fins différentes dans le 10-2. Bon, c'est une autre histoire. Mmh. Mais donc, il disparaît quand le rêve cesse d'exister. Mmh. Et moi, j'avais l'impression vraiment que j'avais été surpris par ça. Enfin, j'étais un peu jeune, j'avais peut-être pas fait gaffe. Il se pose la question avant d'y aller ? Bah, il en parle à personne. Ah. Il ne dit à personne qu'il a un rêve. Il ne le dit pas à Yuna, il ne le dit pas à Auron, il ne le dit à personne. Auron le sait, lui. Auron sait ce qu'il attend. Parce qu'il en est un lui-même ? Non, parce que Auron, il fait partie de Spira, Auron. C'est juste qu'il est déjà mort, lui. Et Auron, il sait que... pour rentrer, il est passé par Sin. Mais il sait déjà que, plus ou moins, que la Zanarkand est un rêve. Et que Jet, le père de Tidus, qui s'est retrouvé à faire le pèlerinage avec lui 20 ans avant, bah, il n'était pas de cette réalité. Il a déjà des indices, Auron. Oui, parce que le père de Tidus, donc Jet, qui avait disparu en mer de Zanarkand... s'est retrouvé, en fait, attaqué par Sin, on apprend ça plus tard, et qu'il est... s'est retrouvé sur Spira, quoi. Il avait changé de monde, lui aussi. Ouais, il avait changé de monde, lui aussi. Il avait donc fait tout le pèlerinage avec Auron et un autre invocateur de l'époque, et ça s'était mal fini, parce que, vraisemblablement, quand Tidus arrive, la situation n'est pas réglée. Bah, pour revenir à ça, avec le problème de Jet, t'apprends aussi plus tôt dans l'histoire, que c'est lui, Sin, en fait. Ah, c'est vrai qu'on nous dit ça à un moment. Parce que, en fait, le trip de l'ultime invocation, c'est que quand tu arrives à la fin de ton pèlerinage, il n'y a plus de priant de l'ultime chimère. Il meurt à chaque fois. On en arrive à tes grosses révélations, là. Ouais, non, mais pas encore. On va faire ça petit à petit. Vas-y. Mais du coup, on apprend que pour avoir l'ultime invocation, il faut choisir la personne à laquelle on est le plus attaché. Pour qu'il devienne le priant et donc la chimère. Sauf que Sin est éternel et en fait se sert de l'ultime invocation pour se régénérer. Donc il met 7 ans à se régénérer, ce qui offre une période de paix de 7 ans pendant ce temps-là. Ce que les religieux du monde de Spira appellent la félicité. Ouais. La période de 7 ans, suite à ce qu'un invocateur ait battu Sin, pendant laquelle l'humanité respire avant que Sin revienne à nouveau. Et tu dis qu'il utilise un peu comme un... Enfin, comme un... Ouais, un hôte, corps, enfin le... En fait, le... c'est Yu Yeven, je crois, de mémoire, qui après que sa carapace soit détruite, se sert de l'ultime chimère pour se refaire Sin. C'est une immense... Sin est une sorte d'immense invocation faite à partir de l'ultime chimère. Donc du coup, ça a fait que Tidus apprend très tôt qu'il va devoir tuer son père. Et là, on se retrouve aussi un peu dans le même choix... Là, par rapport à Sens Néant, quand Bop nous raconte qu'il a dû faire le choix entre tuer son fils et entre cet entrain et Sens, il y a aussi des... Il doit se dire, il a la question, est-ce que j'essaye de trouver un moyen de sauver mon père ou est-ce que je l'extermine pour libérer Spira? Il y a aussi ce délire. Ah oui, ça, tu l'avais pas vu venir. Si, c'est pas mal. Non mais du coup moi je trouve que les problématiques de Tidus ressemblent aussi à celles des Kadria, parce que le Kadria à la fin quand il sait qu'il va devoir détruire les runes, c'est un objectif dans le sens d'aller détruire les runes à la base, c'est l'objectif annoncé, donc du coup on se demande, lui il sait pas si une fois qu'il détruira les runes est-ce que l'ombre monde va rester ? Est-ce que je vais disparaître ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais rester coincé du côté du monde réel, puisque même nous, en tant que bug, du coup, on ne pourrait pas se situer. Pour nous, c'est le monde réel, mais après, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Et Tidus, je pense que même s'il n'en parle pas, il se pose les mêmes questions. Bah, c'est vrai que de toute façon, il n'en parle pas, mais je repense à la scène de fin dont je parlais tout à l'heure où il disparaît. On le voit qu'il est prêt et qu'il dit, je le savais déjà que ça allait finir comme ça. Et du coup, si ça c'est pas un Kadria, tu vois, il est prêt à se sacrifier là, du coup, il est prêt à se sacrifier pour sauver une réalité qui n'est pas la sienne. Ouais. Et il veut pas. Et en plus, il veut pas y penser quoi. Il se pose pas. Il y a pas de doute plus ou moins dans ce qu'il fait. À chaque fois, il doute pas. Il veut sauver Yuna, il veut sauver les autres. C'est un beau Kadria de vie. Il avoue que la vache. Bah ouais, franchement. Après, il y a d'autres trucs qui tournent autour de lui, mais je trouve que le cadre de vie, c'est ce qui lui correspond le plus, tu vois, par exemple, à Tidus. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on embraye sur Auron, Auron, c'est que, en fait, plus j'y ai repensé, et plus il me pose de problèmes, parce que c'est le mec qui sait tout, plus ou moins, puisque lui, en fait, il a déjà fait le pèlerinage il y a une vingtaine d'années. Je crois. Non, la dernière félicité, donc il y a 7 ans. Avec le père de Yuna, en fait. Et le père de Tidus. Et il est arrivé jusqu'à Yuna Leska, qui est celle qui doit te remettre l'ultime chimère. Et en fait, lui, il n'est pas d'accord. Il considère que c'est des conneries, qu'il ne faut pas que l'invocateur se sacrifie en invoquant l'ultime chimère, parce que invoquer l'ultime chimère tue forcément l'invocateur. Donc Tidus, il a le même problème, il veut pas que Yuna se sacrifie, parce qu'au début tout le monde lui cache, parce qu'ils savent que... Ah oui, non seulement ton meilleur ami, ou enfin la personne dont t'es le plus proche devient le nouveau Sin, mais l'invocateur meurt en plus lors de l'invocation. Voilà. Oui, donc oui, c'est tu vraiment, sacrifies deux personnes pour ça. Il y a deux effets qui se pas cool, quoi. Et Auron, lui, il le sait, et en fait, il a des doutes vis-à-vis de l'Église, parce que, en fait, dans la société de Spira, c'est l'Église qui a plus ou moins le prix de contrôle, c'est l'église de Yeven, ça s'appelle. Et eux, c'est eux qui prônent le fait qu'il faille faire des pèlerinages pour apporter la félicité tous les 7 ans. Et Yuna Leska, elle suit le même chemin, quoi. Il faut faire le pèlerinage. Elle accueille l'invocateur qui aura réussi le pèlerinage. On n'est pas loin des mythes antiques où il y a le kraken qui arrive ou je sais pas quoi. Il faut lui faire des offrandes régulières. Ouais, c'est un peu. On est un peu dans le délire, quoi. Ouais, mais après, il y a quand même chez eux, il y a un désespoir accepté. Tu vois, c'est ça aussi que j'aime bien en mettre en parallèle avec le monde entre Sens et Spira. c'est qu'ils ont accepté cet état de fait, plus ou moins. Ces sacrifices. Ils savent qu'on peut pas changer les choses, que c'est le nécessaire à faire pour... Il y a une espèce de fatalité. Même si tout le monde est content, va au Blitzball, y a des spectacles, tout ça, il n'empêche que les invocateurs sont vus en héros parce qu'ils se sacrifient. Et il y en a pas beaucoup qui se rebellent. Il y a pas beaucoup de résistants. L'humanité a besoin de héros. Ouais. Mais il y en a. En fait, ceux qui se rebellent contre ce système sont mal vus. Et c'est les Albed et les bannisseurs, parce qu'ils utilisent des machines et qu'ils sont prêts à utiliser des machines pour détruire Sin. Ils pensent que... Si on lui met une bombe nucléaire dans la tarte... Ça va passer, quoi. Alors que dans le trip de l'église, il y a une histoire qui dit que si les habitants de Spira arrivent à atteindre... à racheter leurs péchés, en n'utilisant pas de machine interdite, en respectant les préceptes et tout, Sin disparaîtra peut-être de lui-même. Un jour, quand un invoqueur le battra, il ne reviendra pas. C'est le délire. C'est des gens de l'ombre, ça. C'est des pros Indales. C'est des conservateurs. Comme Indales, quoi. Ils veulent pas que ça change. Et quitte à essayer de viser un ultime sentiment qui est peut-être une mauvaise chose ou une illusion... On continue comme ça, c'est vraiment Indales. Ouais, ouais, mais ils le disent de toute façon. En fait, les mots de Yunalesca, à un moment, quand elle va leur dire, en fait, Sin est éternel. Vous aurez beau vous sacrifier, ça ne changera rien. Il y a un espèce de déterminisme, une boucle sans fin qui fait que les invocateurs font leur pèlerinage, Sin va disparaître, tué par l'ultime invocation, la félicité va durer 7 ans, Sin reviendra, alors, et ainsi de suite. J'aimerais qu'on revienne à Auron, du coup, dans tout ça. Et du coup, Auron, lui, il sait tout ça. Il est revenu, une fois que son invocateur, le père de Yuna, a invoqué l'ultime chimère, il a vu que Sin est revenu, et du coup, il est retourné voir Yunalesca, et lui a dit, c'est des conneries ce que tu nous as dit. Tu les as fait sacrifier pour rien, et tout. Il était colère. Ah ouais, il était colère. Et du coup, il meurt. Il est tué par Yunalesca. Sauf que il s'en va pas vraiment, il reste sous la forme d'un errant. Alors comment ça se fait, ça? Je me rappelle plus, il y a une raison? C'est quand ceux qui sont trop attachés à Spira, en fait, et qui sont pas envoyés dans l'au-delà grâce aux invocateurs, tu sais, elle exorcise d'une certaine façon les mourants. Ah, c'est vrai. Pour qu'ils atteignent l'au-delà. C'est le travail des invocateurs. Et du coup, comme personne l'a fait pour Auron, à ce moment-là, il a pu rester sous sa forme d'Auron, et il s'est fait passer pour encore vivant. Et en fait, du fait qu'il soit mort, ça lui facilitait le passage entre Spira et la réalité de Tidus, en fait, et le rêve. Parce que du coup, il pouvait survivre forcément au... Et du coup, c'est ce qu'on disait en préparation du podcast, Auron, c'est un peu la fusion de Solipsis et Finlongfinger, parce qu'à côté, on a un mec qui est déjà mort, et qui a une grosse épée... Une épée à 6 BM, mon gars, l'épée d'Auron, tu l'as... L'épée à 6 BM, voilà, et d'un autre côté, on a un mec qui joue pendant, enfin, je sais pas, quand on fait le jeu, on met combien, 25 heures avant d'arriver à Yunalesca. Pendant 20 heures, le bonhomme, il ne te dit jamais la vérité. Il donne des éléments, il dit à Tidus, par exemple, que Sin, c'est Jet, que c'est son père, il lui dit ça. Mais il lui dit pas, par exemple, que Yuna va mourir, il lui dit pas ce que lui sait sur la vérité. Il le laisse faire son propre chemin, et je pense qu'il espère, d'une certaine façon, quand il a amené Tidus jusqu'à Spira, en le faisant passer par Sin, je pense qu'il a espéré que Tidus soit cet élément déclencheur qui fasse changer les choses. Il habite comme son père, il a vu, tu vois, comme il a fréquenté Jet pendant tout le précédent pèlerinage, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la même façon de penser. Par exemple, que cette vision du sacrifice pouvait être mal vue par Tidus et tout ça. Et comme il devait veiller sur Tidus et Yuna, parce qu'il en a fait la promesse aux deux pères avant qu'ils se sacrifient tous les deux, je pense qu'il espère que Tidus fasse prendre un autre chemin à Yuna. D'accord, mais c'est marrant, parce qu'en espérant qu'il prenne un autre chemin, il le laisse faire le même. Il le laisse faire exactement le même. Bourré d'erreurs, quoi. Enfin, ils font plein de choses qu'ils regrettent. Ils ne leur révèlent que devant Yunalesca, en leur disant, voilà, maintenant que vous avez la vérité sous les yeux, vous comprenez. Et pour moi, à ce moment-là, il est central dans l'histoire, le moment face à Yunalesca, parce que c'est limite l'affrontement entre Bop et Indales, ou les deux Classis, parce que on a l'une qui nous dit, soit vous prenez l'ultime chimère et vous apportez la félicité à Spira. De toute façon, c'est le seul espoir de Spira, il faut leur redonner espoir, il faut leur mentir pour qu'ils croient que ça va se finir un jour, cette calamité. ou Oran qui dit on défonce tout quoi, on s'en fout, on trouvera notre problème nous-mêmes, on trouvera une solution et tout. Et Tidus il reprend les mots d'Oran à l'époque, parce qu'en plus comme ils sont arrivés dans la vieille Zanarkand à ce moment-là, la Zanarkand détruite, où Tidus s'est rendu compte du coup qu'il était vraiment pas de ce monde, alors que déjà il a appris avant qu'il était un rêve. Là à ce moment-là, tu vois t'as les fantômes en fait des invoqueurs passés qui passent, tu sais, qui parlent du coup. Donc tu vois le vieil Oran, le Oran jeune de l'époque, le père de Yuna, ouais, et Jet, et ils se disent comme ça, ouais non mais t'inquiète, je vais trouver un truc, il y a peut-être une autre solution et tout. Et Braska, le père de Yuna, il dit non mais voilà, en gros moi je préfère ils savent pas, eux je pense qu'ils savent pas du coup que Sin est éternel, parce que Tidus, t'as l'impression à ce moment-là que c'est le tout premier à poser la question, genre est-ce que Sin reviendra après. Et là bah Yuna Leska elle répond bah oui, il trouve le cul. Bah oui. Ah oui, non mais j'avoue que tant qu'on pose pas la question, c'est vrai qu'on a l'impression en fait, que personne ne faisait, tout le monde est tellement content d'arriver devant l'ultime chimère. Ouais ouais, non mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse. T'as parlé des images, presque des fantômes, mais plus des images fantomatiques des anciens invocateurs qui est des anciens pèlerins qui leur apparaissent. Ils leur apparaissent comment déjà? Ils apparaissent, c'est avec les férolucioles. Les férolucioles. Ça, j'aimerais qu'on en parle vite fait des férolucioles, parce que ça aussi... Ça, je suis pas très calé sur les férolucioles, je sais pas trop comment ça fonctionne. Alors moi, je me rappelle plus trop de comment ça fonctionne, mais je me rappelle d'une scène où on leur dit clairement qu'il y a une salle qui est remplie de férolucioles. Ouais, c'est l'au-delà. Et voilà, ça permet de voir les gens de l'au-delà. Mmh. Alors, on leur dit clairement, c'est pas ton... C'est des souvenirs. Voilà, ce sont des souvenirs. Mmh. Et c'est vraiment comme une méditation dans l'ombre. Ouais, ouais. Tu verrais tes proches disparus et... En fait, ouais, tu peux venir dans l'au-delà et penser à une personne et la personne t'apparaît, en fait. Et tu peux, voilà, faire semblant de lui parler ou méditer avec elle. Et là, c'est quand Tidus, lui, on lui a dit déjà que Jet était mort. Il y a Yuna qui lui dit, vas-y, moi je suis sûr que Jet il est pas mort, elle connaît pas la vérité sur le fait que Jet c'est l'ultime chimère, et elle lui dit, vas-y, essaye de penser à Jet et on va voir s'il vient ou pas. Jet et Tidus, lui, il sait très bien qu'il viendra pas parce qu'il est pas mort, quoi. C'est Sin, mais du coup, il y a un trip comme ça avec une grande sphère où plein de. Elles sont tellement concentrées en fait que ça permet. Oui, c'est un truc très nébuleux, on marche dans les nuages à moitié. Et c'est dangereux pour ceux qui. Pour les errants. Qui n'ont pas... Oui, c'est pour ça que Oran ne veut pas y aller, parce qu'il est déjà mort, ouais, et s'il va au milieu de... Ça pourrait lui poser problème. Bah oui, forcément. Mais pour revenir à Yuna Leska, ouais, pour moi, c'est Bob contre Indales, quoi. Tu choisis le déterminisme contre une chance d'apporter la vraie liberté, quoi. D'être déjoué à ne plus avoir de signe, ils prennent ce risque, quoi. Ils sacrifient la seule chance, ils sacrifient la félicité, donc une période de paix relativement longue, régulière, contre une chance que Sin reste là, toi, pour l'éternité. Parce que si jamais leur plan qu'ils ont derrière, déjà ils y vont, ils n'ont pas de plan. Tu sais, c'est genre, on choisit de ne pas se servir de l'ultime invocation, mais on n'a pas de plan derrière. On va faire ça. Donc du coup, il y a quand même une chance que Sin reste là pour l'éternité et qu'il n'y ait plus de paix derrière. Ouais, bah ça, c'est le... C'est le risque. C'est le point de non-retour. Ouais, non mais... Et du coup, ouais, moi je trouve que Oran, il a quand même une démarche un peu solipsiste à laisser faire, tu vois, les choses. Oui, mais surtout, enfin, il le dit jamais, mais... Sa façon de se comporter et ce qu'il dit... plus à 10 km, il y a des choses qu'il faut mieux ne pas savoir. Ouais, ouais. Ou alors des choses que tu comprendras en temps et en heure, quoi. Oui. C'est ça, plutôt. Des choses que vous devez comprendre par vous-même et toutes les autres variations que Solipsis peut sortir. Et en fait, je pense qu'il a besoin, avant qu'ils sachent la vérité totale, qu'ils aient fait l'intégralité du voyage. Tu vois, qu'ils se soient attachés à des gens, que Tidus soit vraiment très attaché à Yuna, qu'ils comprennent le poteau rose et qu'ils aient la réaction que lui, il attend. Parce que s'il le dit trop tôt... Ça peut... Bon, juste laisser tomber leur bâton de pèlerin, voilà, rentrer chez eux et dire, bon, bah, si ça sert à rien... Alors que c'est vrai que quand ils y arrivent après des mois de voyage, bah, ils ont bien la haine et ils ont vraiment envie d'en découdre. Ils ont le sentiment de s'être fait tromper, tu vois. Et moi, c'est ce que je disais par rapport à l'église aussi, et Yuna Leska, ce fait de ne pas dire les choses aussi, puisque personne ne sait que Sin est éternel par rapport au sacrifice, il y a toujours cet espoir qu'il reviendra jamais. C'est un peu aussi ce dialogue de « il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir », tu vois. C'est un peu le côté que les joueurs ont tendance à pas aimer chez Solipsis des fois. Après, il n'y a pas de sacrifice de la part de Solipsis, tout ça. Quoique, bon, les bugs partent au combat, ils peuvent mourir, tout ça, mais c'est pas forcément la même chose. Mais il y a cette idée de, il vaut mieux maintenir les gens dans l'ignorance plutôt que de leur révéler le tout et qu'ils désespèrent et que ça finisse comme sur Terre, tu vois, comme dans Sens, tu vois, où sur Séléné, on fait plus de recherche, sur la Terre, les gens ont arrêté de travailler. Il n'y a plus de raison, puisque de toute façon, voilà, c'est leur lueur d'espoir, tu vois. Et en fait, je pense que l'Église représente aussi bien Solipsis. Le côté, tu vois, qui... Quand l'Église de Yu-Yevan ? Bah, un côté de Solipsis, pas... parce que je ne cautionnerai pas forcément ce qui se passe, mais c'est un peu la démarche, tu vois, que moi je me pose aussi, maintenant que je suis général de la Résistance. Pour moi, l'Église de Yu-Yevan, c'est... Indalès, l'aiguilleur, c'est pas Solipsis. Bah, elle a quand même eu un petit côté conservateur quand il était question d'ouvrir ou pas ouvrir les runes. Ah ah, elle a son petit côté. Ouais, mais si tu sais qu'ouvrir les runes, ça va ramener signe ou, ah bah, ou sens. Ou oui, mais là, c'est parce que eux, je pense, ils sont désespérés déjà. Tu vois, en fait, ceux qui savent la vérité, ils sont désespérés. Ils ont vu ce déterminisme de signe qui va revenir et tout. Et du coup, ils ont considéré que valait mieux pas le dire, quoi. Voilà. Solipsis, quand elle a vu le déterminisme, qu'est-ce qu'elle a dit? Si jamais elle a vu le déterminisme dans les runes, elle s'est dit, mais faut se taire, quoi. Faut pas le dire. Dans un sens, ça se rapproche quand même. C'est vrai. C'est pas pour jeter la pierre à Solipsis, hein, c'est juste pour dire que voilà, il y a des. L'église de Yevon et Yunaleska représente un peu les reproches qu'on peut faire à Solipsis. Tu vois, dans le fait qu'elles disent pas assez de choses, tout ça. Des fois, pour pouvoir prendre une bonne décision, des fois, il faut savoir tous les éléments qu'il y a. Moi, c'est ce que je lui reproche en tant que général. De toute façon, je lui dis que voilà, si on veut gagner la guerre, il faut qu'on ait toutes les informations, des choses comme ça. C'est un point de vue. Je suis d'accord sur le combat, tout ce que tu veux. Mais après, je suis pas d'accord sur la façon dont il est mené. C'est tout. Et eux, Tidus et les autres, c'est un peu la même chose. Ils sont d'accord qu'il faut exterminer Sin, qu'il faut en finir, mais pas de cette façon. Cette façon n'est pas justifiable. Ça sert à quoi de sacrifier des gens? La façon d'Oron l'est. La façon d'Oron, bah lui, il veut exterminer Sin une bonne fois pour toutes pour qu'il ne revienne plus. Quitte à sacrifier Tidus, Yuna et tout, il s'en fout en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est juste y mettre fin. On va se mettre en danger, en lançant la plus grande offensive jamais faite contre Sin, avec quel plan, je sais pas. Mmh. Oh, mais du coup, à la fin, ils ont un plan de ouf quand même. Mais, c'est poussé par les cheveux, mais... Oui, à la fin, c'est n'importe quoi. Bon, on n'a pas vraiment besoin d'en parler de ça. Ouais. Je sais pas trop si Oron y veut les sacrifier ou pas, parce qu'il a quand même pour première mission, c'est de les protéger, puisque c'est les dernières volontés de Braska et de... Non, puis c'est vrai que c'est lui qui se sacrifie au final, parce qu'il sait, enfin, c'est un fantôme, s'il est pris en cesse de rêver, il meurt en même temps que Tidus d'ailleurs. Non, mais lui il est attaché à Spira, c'est pas un rêve lui. Ouais, mais il disparaît aussi en même temps que Tidus. Il peut aller dans l'au-delà, mais c'est parce qu'il est en paix maintenant. Ah oui, lui il va dans l'au-delà. Tidus, lui il disparaît purement et simplement. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a un qui va à la rune de mort ou à la rune de néant et l'autre qui va nulle part. Quoi. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est que. Ah oui. Oron il est enfin en paix, tu vois, il a accompli ce qu'il voulait. Ce qui le rattachait en fait à Spira, c'était son désir de vengeance, le fait qu'il avait pas fini les choses qu'il avait à faire, que. La colère! Voilà. En fait, c'est ça, c'est les sentiments très forts qui font qu'on est rattaché à Spira. C'est par exemple pour ça aussi que Seymour. Faut qu'on en parle de lui. C'est par exemple que. Alors, attends, parce qu'il faut qu'on en parle de lui. Au milieu de leur voyage, qu'on a déjà bien décrit maintenant. Il y a Monsieur Connard qui arrive. Monsieur Connard. Ah ouais, non, mais Seymour, c'est le méchant que j'adore. Alors, parce qu'il est antipathique au possible. Bah, c'est le mec, il te promet qu'il va épargner tes potes si tu te rends. Et dans les 10 secondes qui suivent, il dit tuez-les. Non mais lui c'est le roi des connards de toute façon. Alors c'est un méchant donc... Lui il fait partie d'une race différente, c'est pas un humain, c'est un guado. Bah, il est mi-humain, mi-guado. C'est une race qui existe sur... C'est des humains... Ils sont un peu différents quand même. Hein. Ils ont des doigts longs comme ça, tu vois. Ah oui c'est vrai, ils ont... des little fingers, tu vois. Non, des finland fingers. C'est vrai, mais ils nagent bien et tout. C'est des pros du Blizzball. Ouais. Oui, ils ont des grands doigts, je l'avais oublié. Ouais, son père à lui est un Guado, c'est le seigneur des Guado. Et sa mère est une humaine. Ouais, c'est un parvenu, quoi. Ouais, c'est un métis. Non, mais surtout le fils du chef des Guado. Ouais. Et du coup, lui, il fait partie, depuis qu'il a assassiné son père, il fait partie des seigneurs de Yevon, parce que son père était un seigneur de Yevon, du coup, de l'église, et il va prendre sa place à sa mort. Et en fait, Seymour, il va très vite devenir immortel. Au même stade qu'Auron, en fait. Auron, pour moi, est un immortel, puisque c'est un errant et qu'il y a une seule façon, plus ou moins, de... Attends, t'es en train de me dire qu'il y a des immortels dans Final Fantasy X ? Et bizarrement, ils sont tous à la tête du secret, quasiment. Oh, c'est bizarre, ça. Bah, t'as Auron qui connaît le secret, du coup, qui est immortel. T'as Seymour qui devient immortel parce que la première fois qu'on le rencontre, on le tue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Yuna n'a pas le temps de l'exorciser et de l'envoyer dans l'au-delà. Du coup, il reste accroché à la vie et veut obtenir sa vengeance. Et en plus, il veut devenir Sin. Il veut que Yuna se serve de lui il veut l'épouser pour qu'il devienne le priant de l'ultime invocation et du coup devenir Sin à la fin. Attends, t'es en train de me dire qu'on a un méchant qui a une position de pouvoir, qui est immortel et qui veut devenir Sin pour pouvoir passer entre les mondes potentiellement. Non, mais attends, en plus il a une mèche. Il a une mèche. Ah ouais, mais une belle mèche, hein, la belle mèche bleue et tout qui descend bien. Ouais, elle cache pas la moitié du visage, mais j'avoue que c'est une belle mèche. Ah ouais. Et du coup, lui, ouais, c'est le roi des enfoirés, quand même. Et il a une vision... Bah, il y a un autre immortel, c'est le chef de l'église, Maika. Il est là depuis plus de 70 ans et tout. C'est vrai. Et en fait, le jour où Yuna, elle va à l'église pour dire « Ouais, Seymour est un connard, il ment à tout le monde, il a tué des gens et tout, il a tué son père », Maika lui dit « Oui, non, mais... » Et elle lui dit « Et en plus, il est déjà mort ». Il veut pas aller dans l'au-delà. Et là, Maika lui montre que, bah oui, mais moi aussi, je suis déjà mort. Moi non plus, je veux pas aller dans l'au-delà. Et du coup, Maika, c'est aussi l'un des principaux des immortels qui détiennent le secret, quoi, puisqu'il est à la tête de l'église. Il sait plus ou moins que tous ces pèlerinages, c'est des conneries. Et que si on les préserve, c'est pour apporter la paix régulièrement à Spira. Et si. Ouais, il veut se marier avec Yuna. Pour devenir Sin. Ah, parce que tu vois, j'ai repensé en préparation du podcast et j'arrivais pas à me rappeler pourquoi ce guignol-là, enfin, voulait absolument se marier avec elle dans une des scènes du jeu. C'est parce que comme ça, il compte devenir important pour elle et devenir le prochain Sin, quoi. Bah oui. Bah, c'est ça. Bah, il fait un pari, quand même, parce que il présuppose que du coup, ce sera elle qui réussira à devenir la nouvelle grande invocatrice. Puisqu'elle est la fille de l'ancien grand invocateur. Le grand invocateur, c'est un titre que t'obtiens quand t'as détruit Sin, donc post-mortem. C'est bien, ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais, t'es toujours reconnu après ta mort. Ouais. Non, mais... Comme de Marjorie. Et du coup... je troll. Seymour, un peu comme Miphos, à la fin de Néant, Miphos veut devenir Sens, et bah Seymour, lui, veut devenir Sin. Miphos veut devenir Sens. Bah, c'est la fin de Néant. Ouais. Ah, la toute fin, quoi. Alors, ouais, quand on disait qu'on a spoilé à tour de bras, c'est vrai que là, c'est difficile de plus se spoiler les fins de Final Fantasy X et Sens Néant qu'on le fait. Ah ouais, non, la dernière phrase de Sens Néant, effectivement, c'est Miphos. Voilà. L'inscription des faits. C'est sur la fiche de Miphos, du coup. Je dois devenir Sens ou je dois trouver la dernière rune. La dernière rune est à Aqua City. Je dois détruire les bugs. Je veux devenir Sens. C'est le dernier truc. Ou je dois devenir Sens. Je dois rassembler toutes les runes pour devenir Sens. C'est l'un des délires. Et donc, il y en a un qui veut devenir Sin, l'autre qui veut devenir Sens. Alors, Miphos, là où t'en es, il n'y a pas trop moyen de connaître ses motivations. Ouais, non, on a pas... Peut-être faire des suppositions. Ouais, non, mais... ça tourne qu'autour des suppositions. Moi, sur Miphos, j'ai que des suppositions, j'ai rien de... Mais alors, Seymour, lui, par coup, on a fini Final Fantasy X. On le sait pourquoi il veut devenir Sin. Bah, d'une certaine façon... Alors ça, c'est parce que je l'ai refait il y a pas longtemps. J'ai refait le jeu il y a pas longtemps avec un pote. Et il veut plus ou moins mettre fin à ce déterminisme en devenant Sin parce qu'il veut briser cette spirale de la mort en détruisant Spira. C'est une façon un peu extrême de régler les choses. Mais en ce sens-là, c'est vraiment le vrai antagoniste des héros. Ah bah oui, non mais parce lui... Ils ont vraiment le même but, mais avec deux moyens complètement opposés. Ah oui, bah oui, c'est un peu... C'est un peu le truc. Mais si tu me dis qu'à la fin, Miphos, il a le même but, je vais pas y croire trop. Quoique, j'ai fait des suppositions déjà et on verra. Ouais, tu veux nous en livrer une là? Non, mais c'est que moi je me dis par exemple, quand tu découvres le déterminisme, que le monde est déterminé ou un truc comme ça, que les runes me disent que le monde est entièrement déterminé, la première chose que je cherche à faire, c'est prouver qu'elles ont tort. Alors je me dis qu'un mec comme Bifos, ça se trouve, il tente ça aussi. Hein. Mais après, c'est que des suppositions, tu vois. C'est que moi, c'est la première chose que je ferais, quoi. J'essaierai tout, tu vois, genre... Attends, je fais un pas en arrière. Merde. C'est exactement ce que dit Bop à la fin de Néant. Quand j'ai voulu vérifier que j'étais libre, j'ai fait un truc inutile, ouais. J'ai fait un pas de côté. Ouais, mais c'est exactement ce que je ferais, tu vois, moi, de toute façon. Ah, c'est cool tout ça. Alors... Est-ce que tu as autre chose à dire là tout de suite dans la suite de tes pensées ou... Dans la suite de mes pensées, par rapport aux immortels aussi, tu vois. Y a, comme je te disais tout à l'heure, j'ai même trouvé, je pense, un équivalent de logiciel qui te permet de faire apparaître Solipsis dans Néant. Parce que tu sais, on a Solipsis qui est morte à ce moment-là. Ouais, et qui continue à via un module de Philonite, ouais. Et une intelligence artificielle. Et elle continue de te donner des conseils, à vous dire de suivre votre voie, que vous allez y arriver, elle continue à t'encourager et tout. Et en fait, dans Final Fantasy X, tout au long du pèlerinage de Yuna, il retrouve des sphères sur lesquelles, en fait, c'est plus ou moins des cassettes vidéo que Auron, Jet et Braska, le père de Yuna, ont laissé sur leur pèlerinage. Et où il parle à Yuna directement en lui disant de toute façon, suis ta propre voie. Moi j'ai choisi celle-ci, mais si toi tu veux faire autrement. ils sont toujours plein de bons conseils alors qu'ils sont morts. Et bon, après on n'a pas une réaction directe comme on peut avoir avec Solipsis, mais. Ouais, on peut pas leur parler. Non, on peut pas leur parler, mais. T'as toujours quelqu'un. Vraiment l'héritage des anciens qui ont fait le trajet, qui ont échoué et qui. Bah ouais, c'est surtout que je pense qu'il savait qu'elle allait prendre la relève derrière, qu'elle voudrait suivre ses traces et que du coup il lui donne le peu d'expérience qu'il connaît, qu'il sait de son pèlerinage, puisque de toute façon tu fais qu'un pèlerinage théoriquement, sauf si t'as foiré le pèlerinage qu'un autre invocateur l'a réussi, toi peut-être que potentiellement 7 ans après tu peux le refaire, mais lui il a laissé une trace au cas où il le réussirait quoi. Ouais. Mais c'est toujours sympa en plus d'avoir. Tu sais, c'est toujours des beaux moments que tu as avec ces personnages quand ils réapparaissent. Tu as des conversations entre les trois. Tu en as chacun qui a un petit mot pour le fils qu'il a abandonné ou la fille qu'il a abandonné. Et tu as toujours Auron qui. T'as un Auron qui parle un peu plus quand même. Mais. Quand dévoile pas. Auron, le Auron des souvenirs ou le Auron qui les accompagne? Le Auron qui accompagne les pères. Le Auron des souvenirs. Il parle un peu plus, mais il n'est pas quand même très loquace. Il est beaucoup plus jeune, alors du coup, il a une réaction plus impulsive. Il est vraiment très proche de Tidus dans ses réactions. Oui, parce que Auron, tel qu'on le croise dans le jeu, il est très néant, quoi. Il dit pas grand-chose, il ment très bien. Bah, il dit rien, comme ça, c'est plus simple. Il est complètement insensible à ce qui se passe. Oh, des monstres dans un stade. Bon, bah voilà, j'ai sorti mon épée. Ouais, non, mais. Tout le monde panique, mais lui non. Il accepte tout le monde à tour de bras. Non, mais. Y a plein de petits trucs comme ça. Qui me font penser à Sens. Alors, moi, j'ai une petite anecdote à sortir. À moins que tu veuilles vite finir sur les immortels. Non, vas-y, j'enchaînerai après s'il y a des trucs qui me reviennent. Mais. Y a quelque chose qui est très pratique pour les MJ. Quand on discute avec les joueurs et que les joueurs nous disent, nous sortent plein de théories intéressantes, voire pour certaines qui sont complètement vraies. Et là, pour le coup, bah, c'est difficile déjà de discuter avec les joueurs de théories dans ce sens, parce que, bon, je vais prendre des exemples qui sont déjà passés pour toi. Admettons, quelqu'un me dit, je sais pas, oh, je vois où tu veux en venir. Je suis sûr que Finlongfinger n'est pas mort. Ouais. Moi, j'ai un joueur qui avait deviné à l'avance que le mec qui s'entraînait à Aqua City, c'était Finlongfinger. Ouais. Quand. Ah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était bah, c'est Aqua City quand il. Ah, l'effet Waka. Ah, l'effet Waka, oui, bah, c'est on, ça. On va y venir. Mais quand mon joueur me dit, oh, je pense que le mec qui s'entraînait à Aqua City, c'était Finlongfinger. Alors c'est bien, hein. Même si, admettons, il me dit, je pense que c'est Classis, ou parce qu'il vient de le rencontrer. Qu'est-ce qu'on répond quand on est MJ? Et là, Waka, donc le personnage qui est un peu le... C'est le footballeur, quoi, vraiment, dans le jeu, c'est le... Il a fait du blitz pendant toute sa vie, et avec son frère s'est sacrifié pour essayer de détruire Sin, parce qu'il a rejoint les bannisseurs, donc il s'est fait plus ou moins exclure de l'église, et en fait Waka est quelqu'un de très religieux. Oui, très très pieux, ouais. Et il pense vraiment, lui, sincèrement, que Sin disparaîtra lorsqu'on aura expié nos péchés, et face à Yunaleska, quand il apprend la vérité, et même face à l'église plutôt, il en croit pas ses oreilles, on lui a son monde s'écroule, quoi. Son monde s'écroule, et du coup, bah... Et en fait, alors... Il faut savoir que Waka, pendant tout le début du jeu, c'est quelqu'un de très gueulard, parce que Tidus, comme tu disais, c'est quelqu'un qui envisage tout le temps d'autres solutions, et les religieux n'aiment pas trop ça dans le monde de Spira. Waka étant religieux, il le critique tout le temps en disant « Ouais, mais quand même, vous abusez, l'église, faut les respecter. » À chaque fois qu'il voit un pistolet, il dit « Non, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est des machines, c'est interdit et tout. » Quand Seymour va aider les bannisseurs pour détruire Sin à un moment, il tente de détruire Sin avec des machines. Il y a l'église qui est là, qui dit on soutient quand même les bannisseurs, même s'ils ne respectent pas les préceptes, parce que ils ont le même but que nous, ils veulent exterminer Sin. Donc on est au moins là pour apporter un soutien, pour dire qu'on reconnaît leur action. C'est comme notre nouveau pape, ils sont plus ouverts. Et rien qu'à ce moment-là, Waka, qui sait que Seymour est un grand maître de l'église, lui dit non, mais ils ne respectent pas les préceptes et tout, vous ne pouvez pas tolérer ça. Il est plus intégriste que les chefs. Ouais. Eux-mêmes de la religion. Enfin bref. Mais il est intégriste dans le sens où, tu vois, il faut juste respecter les préceptes, tu tues pas, tu fais. Oui, enfin. Il a un côté gentil, tu vois, quand même. Ah bah oui, il est gentil. C'est l'intégriste, très. Qu'est-ce qu'il est casse-pied, quoi. Ah ouais, non. Bah, il croit ce qu'on lui a dit, quoi, ce qu'on lui a raconté. Il a grandi avec ça, il a connu que ça. Ah, et qu'il le croit, oui, qu'il soit prosélyte déjà, ça m'énerve un peu plus, et qu'il t'engueule quand tu fais ce qu'il aime pas, il m'énerve encore plus. Ouais, bah de toute façon, il faut bien un personnage comme ça. Oui. Non, mais bon, enfin bon, il y a plein de gens qui ont aimé Waka, moi je l'aimais pas trop à cause du côté moralisateur. Et Waka, à partir du moment où il se rend compte que l'église, en fait, bah ils sont pas tout blancs, que Yunaleska, elle leur dit, bah les gars, vous allez crever et Sin reviendra de toute façon. Et bah il a un discours de MJ. Il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien face à ces joueurs qui lui parlent, comme le MJ. Et Wakan, pareil, il n'a plus que des onomatopées à partir de deux tiers du jeu. Quasiment jusqu'à ce que tu arrives à Yunaleska, en fait. Parce que quand on a un discours sur la vérité, quand Yunaleska leur apprend la vérité vraie, qu'il n'y a pas d'autres solutions possibles, que Sin est éternel et tout, là, il commence à reparler, à avoir des... Mais sinon... Il a plus de conversation, il est complètement déprimé. Et donc l'effet Waka, c'est ce que j'appelle l'effet du perso grande gueule au début, et qui, passé la moitié et les deux tiers du jeu, quand on lui parle, ne sort plus que des « Oh !»« Oh !»« Waouh !» Et vraiment, et c'est ça, le mec, il est tout le temps choqué par ce qu'on lui apprend, en fait. Il est complètement dépassé par les événements. C'est très intéressant, hein, finalement. Mais c'est pas assez développé, parce que du coup, il passe. Enfin, pour moi, je l'ai juste vu comme un boulet, quoi, après, quoi. Ouais, tu sais, quand tu joues au blitzball avec, c'est pas un boulet, par contre. Ouais, faut prendre des albettes pour le blitz. Bref, mais vraiment, Waka est un perso qui ne cesse de parler à partir d'un moment, et qui, vraiment, à un moment, on lui dit « Oui, mais en fait, les invocateurs meurent quand ils invoquent l'ultime chimère. » Et là, il ouvre plus tout ça. Il fait « Oh !» Non, ça, il le sait, par contre, pour les invocateurs qui meurent avant, puisqu'ils savent, en fait, tout le monde sait, oui, pendant le pèlerinage que Luna va mourir. Admettons, enfin, le meilleur pote devient la chimère, quoi, ou Sin reviendra. Ouais, non, mais tout ça... Il a même plus la force d'argumenter, il se contente de tomber des nues. Juste le fait que l'église, du coup, ne respecte pas ses préceptes, pour lui, c'est inconcevable. c'est pas possible. Et du coup, c'est ce que je conseille de faire à tous les MJ de sens. C'est ça, en fait. Parce que moi, au début, je discute beaucoup avec les joueurs. Enfin, toi, je pense que au début, moi, vraiment, s'il y a des trucs que j'ai oubliés ou que j'ai pas trop développé en partie, si les joueurs veulent me demander ce qui se passe au pôle sud de façon concrète, ou s'ils veulent me demander des rappels sur la guerre des immortels, moi, je leur dis tout de go, même hors partie, quoi. Enfin, si vous me demandez en quelle année on commençait la guerre ou quoi, j'ai pas... Enfin... Moi, généralement, je donne pas mal d'infos hors partie. Je discute beaucoup au début, histoire que les joueurs aient bien l'univers en main. Comme Waka, en fait, ça permet aux joueurs de comprendre Spira. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tes joueurs, ils ont largement assez compris, et à part faire des « Oh !» Alors, c'est la fameuse phrase aussi, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur nous sort une théorie, la grande race, on lui dit « Oh, c'est intéressant, tout ça !» Oh !» Non, là, il est trop déprimé pour trouver ça intéressant, je pense, Waka. Ah, Waka, ouais. Non, mais c'est... Oh, c'est intéressant, je vous l'ai sorti plein de fois, quoi. Il y a un aspect aussi, du coup, qui me vient à l'esprit, parce que tu parles de Waka et de toi. Pour moi, il correspond, tu sais, à ce côté naïf de Bayside, tu sais, ce village tout tranquille et tout. C'est que, du coup, ceux qui font le pèlerinage autour de Yuna, Tidus, Waka, Kimari, Lulu et Ron, tous les personnages jouables, et ben, c'est une famille en fait. Et c'est un peu comme la résistance au début de Renaissance. C'est une immense famille, la résistance. Ils sont pas frères et sœurs mais ils sont tous liés. Toi, parce que par exemple, tu prends Kimari, il protège Yuna depuis qu'elle est toute jeune. Il l'a à Bayside, c'est lui qui s'en occupe. Lulu et Waka, ils ont grandi avec elle. Riku, c'est une albède, mais t'apprends qu'au final, c'est sa cousine. Oron, c'est celui qui est chargé de la protéger. Et qui avait depuis aussi servi son père. Ouais. Et il n'y a que Tidus qui est hors de cette... Enfin, Tidus, il finit par devenir son petit copain. Voilà, ça marche pas mal. Mais sinon, il y a cet esprit famille aussi qui revient. Ouais, groupe soudé. Alors les Final Fantasy ont tous été assez doués pour ça, je pense. Mais là, c'est vraiment, tu vois, comme... Parce que moi, je connais une équipe de sens qui n'est pas aussi soudée qu'elle en allait, hein. Ouais, ça s'est fini à coup de duel de l'arme et... Ouais, gens qui se font des duels de l'arme entre eux, alors qu'il y a Bob et Andalès à côté, franchement, hein. Ah, mais c'était épique. En fait, on aurait dû laisser Bob et Andalès se taper sur la gueule et régler nos comptes directement. Bah, c'est ce que vous avez fait, hein. En lançant votre duel de l'arme. Ouais, mais parce qu'il m'avait mis HS, quoi. Ah, mais c'était mythique. Mais bon, il y a quand même au sein de la résistance un esprit de famille, parce que les bugs, quand tu développes, alors c'est que des théories encore, mais si les bugs sont bien les enfants d'Azilis, théoriquement, ils sont tous frères et sœurs aussi. Après, t'as Solipsis est considéré comme leur mère, même si elle n'est pas leur mère. Gladius, c'est un peu le père aussi, parce que c'est eux qui les ont élevés. Tous les bugs ont été élevés par la résistance. C'est marrant que tu dis ça, parce que ça a dû m'arriver de vous dire que Solipsis était maman pour la blague, mais j'ai jamais trop insisté là-dessus. Moi. Ouais, mais de toute façon. C'est toi vraiment qui pensais en tant que joueur. Bah, c'est comme ça qu'on le dit, de toute façon. Nous, on l'a dit vite fait au début. Après, bon, on l'a pu utiliser parce qu'on se prenait la tête un peu avec elle, donc tu l'appelles plus maman. Comme ça, mais tu la considères comme une maman. C'est la crise d'ado, ça. Ouais, c'est la crise d'ado. C'est certains passages qui font que... Bah, c'est les questions, quoi. Tu te poses des questions et du coup, t'as pas de réponse, donc, ou pas les réponses que tu voudrais. Donc, ça t'énerve. C'est normal dans un sens, quand même. Mais du coup, pour ça, c'est pareil, tu vois. Dans FF10, on te donne pas t'as pas de réponse, elles deviennent petit à petit et tu t'en prends plein la gueule et tu réagis au dernier moment, quoi. Tu peux pas laisser les voir arriver, tu verras quand il sera, quoi. Puis tu verras quand il sera, c'est tout. Ouais. Attends la fin de Cosmo. Il y a plein de gens de la résistance à qui t'es très attaché de toute façon, donc vous avez grandi tous ensemble, etc. Ouais. Et bah, pendant 18 ans t'es enfermé dans le même endroit, en plus j'imagine qu'on n'est pas forcément des millions, tu vois, au pôle sud. Je crois que c'est 2 millions de personnes. Ça fait une grande famille quand même, une famille nombreuse. Ouais. Après les blogs sont tous nés le même jour, donc quand t'es... je sais pas, moi je dis qu'ils sont un millier en général, c'est ça? Ouais, peut-être. Je dis un millier ou une centaine, je me rappelle plus. Enfin bon, je donne un chiffre à la louche comme ça du nombre de bugs, à 1-0 près, vous voyez la précision. Et même au sein des bugs, regarde, les bugs, on peut dire que eux, c'est vraiment une famille, au début, tu sais pas s'ils sont frères et sœurs, des trucs comme ça, tu sais pas pourquoi ils ont les mêmes pouvoirs et tout. Ils sont différents des humains, dans un sens. Donc ils se reconnaissent entre eux. Il y a quand même un lien fort entre les bugs, ils savent qu'ils sont singuliers. Et puis attends, quand tu fêtes 17 anniversaires d'affilée tout le temps avec les mêmes personnes. Bah ouais, aussi. Mais quand tu sais pas où te situer parce que t'es pas un humain, t'es pas un immortel, ça crée une identité. Surtout que les bugs sont relativement bien vus ou en tout cas favorisés par le système politique de la base. Oui, tu nous disais de toute façon que les bugs, c'est plus ou moins les stars de la base, ils sont relativement bien payés, rémunérés par la résistance. Ce qui... qui sont mal vus. Il y a tout le temps généralement un joueur à la table qui se sent plus proche du peuple que des bugs, ou qui essaye en tout cas de se rendre proche du peuple. Enfin, des humains. Bah, de toute façon, et c'est le trip des invoqueurs hein, dans FF10. Ils sont très très proches du peuple, hein, c'est des stars. C'est vrai que les invoqueurs, c'est... C'est les stars, c'est eux qui vont détruire Sin. Donc quand ils passent... T'arrives dans un village... Ah bah de toute façon, quand t'arrives en bateau, tout le monde vient pour voir les invoqueurs, quoi. Tout le monde vient là, demande à ce qu'on les bénisse, ou qu'on les protège de... Que si on leur pose plein de questions, est-ce que vous allez détruire Sin? On les attend déjà pour qu'ils puissent renvoyer les âmes de leurs défunts. Voilà. Bah par exemple, tu m'as fait la... Alors voilà, ils voulaient en arriver là, ouais, c'est une excellente transition. Ouais, parce que du coup, ils ont ce boulot-là de faire passer les défunts dans l'autre monde, pour éviter qu'en fait ils se transforment en monstres et que les monstres attaquent les humains qui sont encore vivants et tout. Et il y a une scène magnifique. Et il y a une scène magnifique au début du jeu. Dans le village de Kilika, ouais. Je pense... 2-3 heures de jeu, un truc comme ça. Ça ouais, va c'est, très la vite, c'est la deuxième chimère, de toute façon. Ouais, on aura peut-être 4 heures, allez. Bah, 5, c'est au début, hein, c'est quand t'arrives au village. Donc, ouais, l'intro ouais. Peut être un peu longue, ouais. Enfin, j'imagine. Ouais, parce qu'il y a le passage avec Riku au je début. Je pense 4 heures grand max, on arrive là. Ouais, t'as un passage dans les ruines et Riku avant, donc ça rallonge un peu le... Mais ouais, t'as ce passage que tu m'as fait en partie. Ah, et, voilà, j'ai fait une grosse référence à Final Fantasy X, j'ai quasiment copié une scène... pas mot pour mot, mais image pour mot, on va dire. Ouais, dans le scénario de visage. Oui. Alors, visage, faut qu'on en parle parce que c'est pas du tout dans le bouquin. C'est même un hack à moitié, mais c'est un... Bah, de toute façon, il y aura un podcast sur... moi, j'en parlerai dans l'Ordre des Contresens, de toute façon. C'est vrai. Mais tant qu'à faire, on peut quand ouais, même situer. Ouais, on peut quand même situer. T'es donc arrivé sur une île. Au large du Japon, je crois, voilà. Encore une fois. Encore une fois. où il y avait des animaux... Ouais, des animaux qui vivaient, en fait, sur une île, avec une fille et un vieux... Un vieux sage. Il y avait genre un vieux moine bouddhiste et une jeune fille. Mm. Et ça faisait un peu, comme moi j'aime bien dire, ça faisait Blanche-Neige. Ouais, ouais. La nana, quand elle... Genre, elle étend le linge sur le fil, les oiseaux l'aident à porter. Mm. Le chien pousse le seau d'eau avec sa truffe. Ouais. Et ouais, t'as les petits oiseaux ouais, qui posent le linge. C'est vraiment Blanche-Neige ouais, quand t'arrives. Et en fait, tu m'envoies là-bas parce que il y a... Et soi-disant que le vieux sage ou la fille, je sais plus, fait des choses extraordinaires. Et du coup, ça intéresse beaucoup Solipsis. Et elle me demande d'aller là-bas. Du coup, j'y vais. Et en fait, quand elle me montre... Alors déjà, quand t'arrives là-bas, au large de l'île, la dernière nuit que tu fais avant d'accoster, tu fais un rêve, il me semble. Ouais, c'est le rêve. Mais je fais un rêve sur... vois un cerf dans une prairie. Le cerf, il a 4 yeux... Avec. Il n'a pas de bouche. En fait, ces bois partent de l'endroit où il y a le museau chez un cerf classique. Ouais. Et ça, donc, c'est Aloïs, hein, faut quand même lui rendre la paternité. Aloïs, le fameux Aloïs des podcasts de la cellule. Alexis, des fois, sur Internet. Qui a créé le scénar, ouais. Moi, je me suis inspiré de ce qu'il a fait. Je l'avais contacté avant pour en parler. Pour certains MJ, c'est presque de l'ingérence de faire ça. Ouais. Commencer à mettre des cerfs à 4 yeux, comme dans Sens Néant, dès Renaissance, pour certains, c'est peut-être un peu tôt. Bon, moi, j'avais trouvé ça cool. Bah, mais je l'avais fait. Moi, personnellement, quand tu m'as montré ça, j'ai pas su du tout quoi en penser. Donc, moi, ça m'a pas du tout gêné dans le scénar, du coup. Parce que, à quoi ça pouvait me faire référence? Et surtout que, genre... 2 heures après, du coup, en fin de partie, je vois la Reine de Feu. Alors, on va le raconter juste vite fait, hein, mais du coup, ce qui se passe sur l'île. Sur l'île, c'est qu'il y a une jeune fille qui est en fait une bug. Ça, vous l'apprendrez plus tard. Ouais, on s'en rend compte plus tard. Et qui, en fait, vit entourée de quadrillas qui ont pris l'apparence d'animaux. Même le vieux sage, c'est Kranisten lui-même. Et lui, je l'ai repéré. Enfin, il m'a fait peur. Il t'a fait peur, le vieux. Ah bah ouais, quand j'ai compris à la fin que c'était sûrement Kranisten, quand Sauveuse, elle me dit que c'est l'éveillé, et là que je comprends que l'éveillé, de toute façon, c'est Kranisten parce qu'il est présenté comme ça depuis le début, je fais, en gros, le papy, là, qui est dehors, c'est Kranisten. Dehors, il n'y a que des quadrilles. Du coup, je vais pas faire le malin, je vais me barrer tranquille. Alors, entre-temps, donc, t'as été reçu par la par jeune le fille. Vieux, par le vieux et la fille, et je leur demande si je peux revoir ce qu'elle peut faire, du coup. Et si je peux enregistrer ça avec Marie Pliot, machin, je lui explique. parce que quelqu'un, ça intéresse quelqu'un, mais je leur promets que c'est la seule fois que je reviendrai pas, parce qu'ils ont l'air réticents, qu'ils veulent pas qu'il y ait de visiteurs ici. Et là, quand tu me fais la scène... Voilà, parce qu'en fait, quand tu me fais la démo... Kanisten et donc, Oiwa, parce que c'est son nom, la jeune bug, il t'emmène sur la plage, ouais, avec tous les animaux qui suivent, hein, tous les quadrillas. Et là, elle fait une cérémonie qui ressemble, bah, je t'ai décrit, hein, vraiment visuellement, la même chose. Mais c'était qu'on voit dans la scène de Killika. Ouais, je savais pas à l'époque que t'étais un fan de Final Fantasy X. Je te l'ai dit juste après la scène. Moi, j'étais sur le siège, comme ça. J'écoutais ta description de scène. Et la seule scène que j'avais en tête, c'était la scène de Killika où t'as Yuna qui commence à marcher sur l'eau et à danser sur l'eau avec les sphères lucioles qui tournent autour d'elle. Il y a des jets d'eau aussi qui commencent à se former. C'est très harmonieux et tout. Et tu vois toutes les âmes, toutes les furos lucioles des défunts qui s'en vont pour l'au-delà. Et toi, comme tu me décris la scène à ce moment-là, j'ai que cette scène-là. Elle marche sur l'eau, l'eau s'élève et la fait s'élever sous... Alors, je viens de regarder là sur Internet. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, Yuna dans Final Fantasy X, vous pouvez taper Yuna et Killika sur Google, hein. Killika, c'est K-I-L-I-K-A. Yuna, Y-U-N-A. Vous pouvez voir la vidéo. Vraiment, j'ai décrit la même chose, quoi. Et moi, je l'ai vu direct. Et à la fin, je t'ai demandé de faire un temps mort. Je t'ai fait, c'est la scène de FF10, ça. Et là, tu m'as regardé. Ah, oh, t'as reconnu et tout. C'est trop bien. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Vraiment, je pensais pas que t'étais fan et tout. Le décalage au niveau des années. Bah, c'est surtout que, bah, comme j'y avais joué, ouais, et que je l'ai fait plusieurs fois. J'ai compris direct, et du coup c'était drôle. Alors pour la petite histoire, elle n'avait pas de pouvoir, hein, cette jeune fille, au final c'était les quadrillas qui usaient d'ombre pouvoir pour simuler des effets étranges. Mais malgré tout... Elle a fait un truc à la fin de ton séjour. Bah, juste après la cérémonie, je lui ai dit, c'est tout ce que vous êtes capable. C'est tout. Non, c'est pas c'est tout, mais c'était. Je lui demandais en gros si elle savait faire d'autres trucs et tout. Et elle a posé la main sur ma tête et j'ai eu une vision. Alors là, je savais pas trop quoi mettre. Je t'en avais parlé ensuite. Ouais. Mais... Bah, tu savais pas du coup. Je t'ai montré la reine de feu. Ouais, tu m'as montré la reine de feu. Parce que ton personnage était la dominante de Ruine de Mort. Et que tu pensais que du coup j'irais vers un Sétantra de feu ou... Bah je sais pas, je me disais que ça t'intéresserait. Et du coup, dès que j'ai vu la Reine de Feu et après que j'ai entendu plus tard... Alors je te l'avais décrite comment ? La Reine de Feu de sens néant, hein, on est bien d'accord, celle de l'école de flammes. Bah tu m'avais décrit une espèce de grande... une espèce de colisée, tout en flammes, avec un public... énorme, il y avait les bruits de tambour et des gens dans l'arène qui s'envoyaient des jets de flammes et de lave. Et moi j'arrive là et je comprends pas. So cool. Et du coup après quand on est arrivé à Néant et que tu nous as dit bah va falloir choisir une des écoles et que dans la description des écoles il y a l'arène de feu à l'école de flammes, moi j'ai fait vas-y, j'y vais quoi les gars, j'en ai rien à faire quoi. C'est pour moi, l'arène de feu, je veux y aller, je veux savoir pourquoi. C'est là-dessus que je m'en veux un peu parce que je pense que j'ai vraiment orienté ton choix au final. Non parce que du coup les bourrins ils me plaisaient bien. Bah oui, de toute façon je voyais bien ta façon de jouer et tout, mais j'aurais bien aimé que ça vienne vraiment de toi et pas de... C'est la seule fois où j'ai fait référence. Ouais, mais après moi ça m'a pas dérangé parce que ce que j'ai trouvé à l'arène de feu, j'ai trouvé ça vachement sympa donc... Ah bah ton Sétantra de feu tu l'as kiffé. Moi j'ai kiffé mon Sétantra de feu, mais même il y a des petites histoires sur les Sétantra de feu, genre l'ancienne alliance entre le monde de l'ombre et... entre l'école de l'ombre et l'école de flamme qui était soi-disant la botte d'Indalès et tout... Ça, c'était des secrets qui m'ont pas fait kiffer du tout. Hein. J'en voulais beaucoup à l'école de feu. Parce que du coup, j'ai joué mon Sétantra de feu, tu sais, très... Ouais, non, mais c'est la baston et tout. Si on doit faire des alliances... On fait pas d'alliance politique, on se soumet pas et tout. C'est pas comme ça qu'on règle une guerre. C'est en tapant sur l'ennemi. Moi, j'ai limite craché à la gueule de Magma en disant que ça avait été un traître pour l'école de feu, que ça se faisait pas et tout. C'est pas comme ça que les... Non, j'étais... Ça m'avait blessé, j'ai même dit à Brasier, après je lui ai demandé à Brasier s'il était au courant pour ce truc et tout. Ouais, Brasier t'avais dit que oui en plus, il me semble. Il m'a dit que c'était des vieux trucs et qu'il en avait entendu parler, mais que lui n'était pas à la solde d'Indalès. Au final, il m'a menti. Oh, il était pas vraiment à ça. Bah, je sais pas, il était plus... tous les Utrimas sont pas plus ou moins ensemble. Je suis pas sûr qu'Indalès, on va dire Indalès. pour faire plaisir à Morgane et Maxime, au moins une fois. Je suis pas sûr que Indales puisse faire partie du reste du lot. Je pense vraiment que Ombre et Lumière, Indales et Deus sont un peu à part du reste. C'est vraiment une vision très personnelle, hein, mais je pense que Deus, déjà, c'est le seul qui n'a pas envoyé, il me semble, de cet Antrien aller tuer Savane, le maître héritant. Et Indales, lui, c'est un des seuls à s'être jamais soumis à l'acide, quoi. Ouais. C'est pas faux. Donc, ouais. Un peu office d'exception, les deux bonshommes. Ouais, non, mais... c'est juste, moi c'est, voilà, ça m'a pas posé de problème d'aller à l'école de feu, parce que quand j'ai vu ce que les autres ont découvert dans leurs écoles respectives, je me suis trouvé plutôt bien posé à l'école de feu, parce que entre l'école de terre où il a pris bien cher tout le long, à voir que moi j'avais mes théories sur déjà Terre qui était sûrement l'assassin et que j'en parlais à Rafi à chaque fois. T'as disais... eu très tôt cette théorie, toi. Ah ouais, mais moi je l'ai eu très tôt et j'ai dit à Rafi, vas-y, non mais je suis sûr et tout. Et il me disait, mais non, lui il pouvait pas piffrer l'air. Je disais, ouais, mais tu vas voir. Et en plus, il y avait Polygone qui était complètement fou du coup. Alors il disait, ouais, mais t'as vu, en fait, c'est l'air, c'est eux les pourris et tout. C'est eux qui nous enlevaient Asilis. Et moi je disais, mais non, tu vas voir, c'est Terre en fait le pourri et tout. Alors les deux, moi j'étais bien content de pas être. Chez eux. On a bien dévié du sujet, ouais, de Final Fantasy X. C'est parce que tu nous as fait enchaîner sur la vision, ouais. Après. Je pense qu'on a bien fait le tour. T'as peut-être un dernier truc à dire ou... Je sais pas, et je pense que s'il y a des gens qui ont des trucs à dire, ils le rajouteront. Ouais. On pourra débattre là-dessus parce que. Non, moi je pense que ouais, le monde de FF10 permet de voir certaines problématiques qu'il y a dans le sens et qui sont. Qui peuvent, quand on a du mal à se les imaginer, à savoir comment se les faire, montrer quelle réaction ça peut apporter, comment les choix. Bon, après, ah si, comme je te disais aussi, il y avait un truc que je te disais, j'aime bien la démarche dans FF10 qui consiste à prendre Tidus d'un monde différent et de l'imprégner, tu sais, de le faire venir dans le monde de Spira qui n'est pas le sien. Je trouve que c'est un peu la même démarche que tu as quand tu fais un jeu de rôle, du coup. Tu sais, tu rentres dans une fiction, du coup, et qui, où tu ne connais rien, tu t'en ignores tout. Et c'est un peu la démarche du joueur, tu vois, quand il rentre. C'est pour ça que je trouve qu'on s'identifie bien à Tidus, de toute façon, tout le long. C'est vrai que Final Fantasy VII, pour prendre lui comme exemple, avait quand même eu la facilité de nous coller un héros amnésique, ou à moitié amnésique, donc... qui se souvenait pas trop ce qu'il avait fait les 5 dernières années, un truc comme ça. Et du coup, qui découvrait un peu certains trucs en même temps que le joueur. Là, on a un perso qui est pas amnésique et qui quand même découvre les trucs en même temps que le joueur parce qu'il a changé de monde. Et du coup, voilà, c'était juste pour dire que moi, ça m'avait fait penser un peu à la démarche que font les joueurs quand ils jouent à un jeu de rôle. Pour aller plus loin que sens. Ok, bon. Bon. À la fois, là, je pense qu'on est bien. Ouais. Ouais. Alors, bah, comme on disait, c'est le dernier podcast avant les vacances, donc on vous souhaite un bon hiver. Hein, il va cailler bientôt, il se met à pleuvoir, il y a encore un peu de soleil, mais... et de bonnes vacances, un joyeux Noël, une bonne année. Autre chose à dire, Tom? Non, je vous souhaite de bonnes vacances et bah, à la prochaine, hein, pour d'autres podcasts. Ma foi. Salut tout le monde. Salut.